Il fait des ronds dans l'eau. Essaye d'écouter le bruit, la plume sur l'eau. Quand j'en sors, écoutez le stéthoscope, si c'est de frotter la plume sur le stéthoscope ou de la promener dans l'eau. Mais c'est beau. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Sweet. Sweet. Sweet. Sweet. Sweet. Là, ils faisaient cuire le boudin le jour de la fin du cochon. Et là, ils avaient un énorme cochon en papier qui a volé à la place de la surface. Alors, c'était du travail parce que vous savez, il était bien fait, il y avait des oreilles. Et là, il ne peut pas l'empaqueter, il l'entourait avec du papier hygiénique rose. Je participais à tout ça. Et on le mettait sur le chariot, on poussait le chariot. Je vais vous dire, quand il se faisait quelque chose autour de par exemple, quand je vais vous dire. Belle acoustique. Tic. Passe et repasse. quoi? À la boîte. Cage disait, si un son te gêne, écoute-le. S'il te gêne encore, réécoute-le. S'il te gêne encore, réécoute-le. Un, deux, trois soleils. Un, deux, trois soleils. Un, deux, trois soleils. Un, deux, trois. Une. Un, deux, trois, soleil.